Les accidents de la route font chaque jour environ 3 morts, réponse A, 6 morts, réponse B, 12 morts, réponse C, 24 morts, réponse D.